Le procès Pétain. Extrait choisi par Dominique Missica. 12e émission. août 1945, 16e audience, 13h30. Monsieur le bâtonnier, quel est votre témoin ? Je me permets une question. On nous dit que la haute cour a de nouveaux témoins à faire entendre. En principe, monsieur Debrinon m'a fait écrire pour me demander à être entendu. Messieurs les jurés et l'ensemble de la cour désirent l'entendre et j'ajoute que l'audition de monsieur Debrinon entraînera celle de Darnan. Je n'y vois pas d'inconvénient, sauf pour la durée des débats. D'ailleurs, je croyais me rappeler qu'hier, la cour avait déclaré qu'elle ne voulait pas entendre, ou plutôt que vous, monsieur le président, en vertu de votre pouvoir discrétionnaire, vous ne vouliez pas entendre Darnan et Debrinon. C'est pour cela que je me permets de poser la question. On pourrait peut-être commencer par eux. Je déclare tout de suite qu'en ce qui me concerne, je me suis opposé autant qu'il était en mon pouvoir à l'audition de M. Darnan et de Debrinon. Je considère l'un comme un homme d'affaires véreux, l'autre comme un assassin. Et par conséquent, quoi qu'il vienne dire ici pour ou contre le maréchal, je n'en tiendrai aucune espèce de compte. Leurs déclarations seront pour moi comme si elles n'existaient pas. J'ajoute que si je m'y suis opposé, c'est que j'estime qu'à l'heure actuelle, il y a un intérêt national à ce que ce procès ne s'allonge pas indéfiniment et ne se perde pas dans les détails que l'accusation, pour ceux qui la regardent, trouve inutile. J'estime que l'abcès, pour employer une expression vulgaire, doit être crevé. Il importe d'abréger autant que faire se peut. La lumière semble être faite, autant qu'elle peut l'être, avant un réquisitoire et avant des plaidoiries. Je répète pour ma part que notre seule préoccupation, c'est de tenir la promesse de finir mardi soir. Cette question-là ne peut évidemment nous préoccuper. Nous ne sommes pas là pour savoir si nous aurons terminé le 15 août. Nous avons à juger une politique qui s'est étalée pendant 4 ans sur l'histoire de France. Cette politique a eu des exécutants et elle a été couverte par le maréchal Pétain. Pour en connaître les détails, nous avons besoin de voir les exécutants et de les confronter avec le maréchal Pétain. Fernand Debrinon, 59 ans, encadré de deux gardiens, fait son entrée. Nommé le 18 décembre 1940 délégué général du gouvernement français dans les territoires occupés, Fernand Debrinon est l'un des personnages clés de la collaboration. Il a été chef du gouvernement de la France en exil à Sigmaringen. C'est un homme malade qui se sait condamné. Il s'appuie sur une canne et parle sans effet d'éloquence. Vous avez demandé à être entendu dans l'affaire du maréchal Pétain. Je ne vous demande pas vos noms et qualités, il n'y a pas de doute sur votre identité. Je ne vous demande pas non plus de prêter serment. Vous êtes entendu en vertu de mon pouvoir discrétionnaire et je vais vous poser deux ou trois questions. La première est celle-ci. Vous étiez chef de la délégation française en territoire occupé ? Oui, monsieur le président. C'est avec l'agrément du maréchal que cette désignation a été faite et que vous avez obtenu ce titre et cette fonction ? Oui. En quoi consistaient exactement vos rapports avec les autorités allemandes ? À régler toutes les questions concernant les rapports entre les autorités d'occupation et le gouvernement. Ces fonctions étaient définies par mon ordre de mission qui portait la signature du maréchal Pétain et qui figure dans les dossiers que j'ai rapportés et qui sont au cabinet de M. Béteille, juge d'instruction. Le maréchal a-t-il été au courant de toute votre action pendant tout le temps que vous avez exercé vos fonctions de chef de la délégation? J'ai toujours rendu compte au maréchal de ce que je faisais. Chaque fois qu'il m'a interrogé sur ce qui se passait en zone occupée, j'ai toujours répondu, je crois, avec une véracité entière. J'avais d'ailleurs le plus grand respect pour le maréchal et je tenais à lui rendre compte exactement de ce qui se passait. Il a été tenu en conséquence, presque jour par jour, au courant de votre action aux côtés des autorités allemandes. Jour après jour, c'est beaucoup dire. Il a été tenu directement au courant par les rapports que je lui ai adressés pendant longtemps. Puis l'amiral Darlan d'abord, monsieur Laval ensuite, ont désiré que ces rapports soient adressés non pas au maréchal, mais directement au chef du gouvernement pour être soumis au maréchal. J'ai alors cessé de lui envoyer des rapports écrits, mais oralement, chaque fois que j'allais à Vichy et qu'il me faisait l'honneur de me recevoir, de m'interroger, de m'inviter à sa table presque régulièrement, je l'ai toujours tenu très exactement au courant des événements et de mes propres sentiments. Par conséquent, vos sentiments personnels étaient favorables à l'entente avec l'Allemagne. Vous aviez fait avant la guerre partie d'un groupe d'entente franco-allemande. Vous étiez depuis un certain nombre d'années membre de ce groupe. Je crois que mes sentiments sont bien connus. Vous étiez partisan du rapprochement de la France et de l'Allemagne. J'étais partisan de la conciliation entre la France et l'Allemagne, afin d'éviter les guerres. Et je partageais cette opinion avec la plupart des anciens combattants de la guerre de 14-18. Postérieurement à la guerre, je pense que les anciens combattants avaient modifié singulièrement leur point de vue. Mais vous, vous aviez conservé le même. Vous étiez toujours partisan, après la défaite de notre pays, d'entretenir des relations avec l'Allemagne. Quant au mois de juillet 1940, à une date que je ne peux pas préciser exactement, M. Pierre Laval m'a fait chercher. J'étais dans les Basses-Pyrénées où je résidais. Je m'étais tenu à l'écart de toute action politique depuis le 15 mars 1939. J'avais cessé d'écrire parce que je sentais la guerre venir et je voulais me taire, absolument. Je suis arrivé à Vichy. Laval m'a fait part de ses intentions. Il m'a introduit chez le maréchal. Il a exposé au maréchal ce qu'il attendait de moi. Le maréchal était partisan d'un essai de conciliation avec l'Allemagne, de règlement dans l'honneur et d'un effort de redressement de la France en négociant avec les autorités allemandes. Donc, le maréchal, à ce moment-là, vous semblait partisan d'une sorte de politique de renversement des alliances et d'un rapprochement avec l'Allemagne. Non, pas de renversement des alliances. Un rapprochement avec l'Allemagne. J'ai toujours entendu dire au maréchal que nous ne devions en rien participer à la guerre, que la France devait faire un effort pour se redresser et qu'elle devait conserver la paix pour faciliter ce redressement. Mais le maréchal était favorable à l'idée d'une réconciliation avec l'Allemagne. Il me l'a d'ailleurs manifesté à différentes reprises, notamment au moment de Montoire. Et si vous voulez m'interroger sur ce point, je peux vous donner beaucoup de détails. Il est allé à Montoire, non pas contrainte et forcée, mais parce qu'il sentait qu'il y avait là une amorce d'une politique qui pouvait être utile à notre pays. Je crois qu'il a déclaré que, dans l'honneur, il entrait dans la voie de la collaboration. Ce n'était pas une manifestation de son double jeu. C'était bien, d'après vous, qu'il aviez fréquenté à cette époque, la manifestation de sa pensée sincère. À mon sentiment, il n'a jamais été question de double jeu. On n'en parlait pas à monsieur de Brinon quand il s'agissait de double jeu. Maître Isorni, c'est le témoin que nous entendons et non pas les avocats. L'audition de Fernand de Brinon se poursuit. Il discrédite Pétain en soulignant qu'il le tenait au courant depuis 1940 de chacune de ses démarches et qu'il pensait, comme Pétain, à protéger partout et toujours les Français. Venu de lui-même témoigner, malade, Il se sait condamné à mort d'avance, tant son nom est synonyme de trahison. Il parle sans plaider sa cause. Mauvaise affaire pour la défense. Sur un signe du premier président, le témoin est emmené par les gardes. Le maréchal regarde de Brinon s'en aller, mais n'a rien à dire. Faites entrer le témoin suivant, Joseph Darnan. Joseph Darnan, ancien chef de la milice française, se présente à la barre entre deux gendarmes. L'homme le plus détesté de France soulève une vague de curiosité parmi le public. Un pantalon de milicien et un veston gris croisé passés par-dessus un blouson, il a un visage carré, le front encadré de cheveux blancs coupés courts, la mâchoire serrée. Il a 48 ans. Connaissez-vous le maréchal depuis combien de temps ? J'ai vu le maréchal pour la première fois le 18 juillet 1918, dans une cérémonie où il m'a remis la médaille militaire. Je l'ai revu une deuxième fois en novembre 1940 dans sa propriété de Villeneuve-Loubert. J'étais alors chef de la Légion des Alpes-Maritimes et j'avais demandé au maréchal de bien vouloir recevoir les chefs légionnaires de ce département. Comment êtes-vous passé de l'idée d'une légion à l'idée de la constitution d'une force de police sous le nom de milice ? Est-ce que vous en avez fait part au maréchal ? Oui, monsieur le président. En 1941, j'ai pensé que la légion, qui recevait en son sein tous les combattants de quelques parties quotidiennes, ne pouvait pas représenter une force vraie, une force ayant les mêmes buts politiques que le maréchal. Et à différentes reprises, aux chefs légionnaires et au maréchal, nous avions eu l'occasion de demander la création d'une force supplétive. Ce qu'il a accepté de faire en 1942, en créant le SOL. J'ai été nommé chef de ce service d'ordre légionnaire et j'ai été appelé à Vichy. Le service d'ordre légionnaire groupait dans son sein tous les éléments jeunes, tous les éléments les plus ardents. Et ce n'est que le 28 janvier 1943 qu'à la demande des chefs légionnaires et avec l'accord du maréchal, le SOL s'est séparé de la Légion et est devenu la milice française. Pratiquement, il n'y avait pas de changement. Sauf que la milice dépendait directement du chef du gouvernement, alors que le SOL dépendait directement du maréchal. Le maréchal, dans une réunion plénière des chefs légionnaires et des nouveaux chefs miliciens, nous a remerciés de notre action au SOL et nous a demandé de continuer à servir, tout en restant de fidèles soldats. Le maréchal savait-il que vous aviez prêté serment de fidélité au Führer ? Pas encore. Mais il n'a pas pu ne pas le connaître. C'est un détail qui avait une certaine importance. Je ne pense pas qu'il l'ait ignoré. Je n'avais pas que des amis dans son cabinet. Cela m'étonnerait beaucoup qu'on ne l'ait pas informé. En tout cas, votre nomination n'a pas été signée par le chef de l'État. Elle n'a été signée que par le chef du gouvernement. Oui. Le chef de l'État n'ignorait pas l'organisation qui venait d'être créée. Et il ignorait encore moins que vous étiez à la tête de cette organisation. Il n'était pas possible qu'il l'ignorât. Certainement non. Est-ce que vous participiez au Conseil des ministres ? En ma qualité de secrétaire général au maintien de l'ordre, j'ai assisté à quelques conseils des ministres. Présidé par le maréchal ? Présidé par le maréchal. Et il n'a jamais paru surpris de vous voir dans un conseil des ministres ? Certainement non. Il ne vous a pas invité à vous retirer ? Il a accepté votre présence au conseil des ministres ? J'ai même eu à rendre compte au conseil, à différentes reprises, et devant le maréchal, de mon action. Votre action a consisté en une répression de ce qu'on appelait, à ce moment-là, le terrorisme, et qui était une manifestation du patriotisme. Quelles ont été les réactions du maréchal ? Vous avez organisé des expéditions contre le maquis, notamment. Le maréchal ne vous a jamais fait appeler, ne vous a jamais fait adresser d'observation par l'intermédiaire de qui que ce soit ? Jusqu'au dernier jour de notre présence en France, l'année dernière, au mois d'août, j'ai été reçu par le maréchal chaque fois que je l'ai demandé, ce qui a été très rare. Et je l'ai vu en conseil des ministres, et lorsqu'il me faisait appeler à son cabinet. Que vous disait-il ? À sa demande, je lui rendais compte de l'activité de la milice. Il n'a pas fait de protestation ? Le maréchal a toujours été pour moi d'un très bon conseil. Il m'a toujours prêché la prudence. Quand vous outrepassiez ses conseils, parce que, autant que nous nous souvenons, la milice n'a pas été particulièrement prudente ni circonspecte, vous ne receviez pas de blâme ? Pas d'observation ? Je n'ai reçu qu'un blâme. C'est celui que le maréchal m'a adressé le 6 août 1944, l'année dernière, alors que les Américains étaient à Rennes, dans une lettre qui doit figurer au dossier. À quel propos ? Quelle était l'action que le maréchal blâmait et dans quels termes la blâmait-il ? Le maréchal, dans une lettre très longue, faisait connaître à Laval les exactions de la milice. Dans un dossier annexe assez important, on relevait dans différents coins de France des actes qui pouvaient nous être reprochés. J'ai pris connaissance de cette lettre. Et j'ai répondu quelques jours après au maréchal, que je n'ai plus eu l'occasion de revoir à Paris de ce moment. Pas de questions, messieurs ? Monsieur le Président. Pas de questions du côté de l'accusation ? Pas de questions du côté de la défense ? On me demande de vous poser la question suivante. Quelle a été la réaction du maréchal après l'exécution de Georges Mandel ? Je n'ai pas revu le maréchal à ce moment-là. Garde, vous pouvez l'emmener. L'abbé Rodin reste à peine 10 minutes. Ancien aumônier général des prisonniers, il chante les louanges du maréchal qui l'a soutenu. L'ancien préfet, Charles Donati, qui lui succède, va exaspérer les jurés et inquiéter la défense. Je déplore profondément, sans colère et sans haine, pour la France, plus encore que pour le maréchal, que tant de Français aient le cœur et l'esprit ainsi faits qu'ils ne peuvent arriver à concevoir ni à sentir ce que cette attitude a d'héroïque et de sublime. Et tout de mort ! Des millions et des millions de Français pensent que ce procès est une immense erreur politique qui risque d'aboutir. Monsieur, depuis un an que nous sommes libérés... Monsieur le préfet, on voit que vous avez présidé beaucoup de réunions publiques. Or, ici, ce n'est pas une réunion publique. Je demande la permission de dire publiquement un sentiment qui habite le cœur des Français, qui, depuis un an que la liberté nous est rendue, soi-disant, et qui n'a pu être dit en public. Si durant l'occupation, des témoins avaient tenu des propos semblables, le maréchal les eût fait condamner à 2 ans de prison, séance tenante. Nous sommes plus libéraux que le gouvernement du maréchal Pétain. Et je demande à l'huissier d'emmener le témoin. C'était le procès Pétain. Extrait choisi par Dominique Missika. 12e émission. Le président Mongibaud, Gabriel Ledoz. Le procureur général Mornay, Jean Bollery. Pétain, Roger Dumas. Le bâtonnier païen, Philippe Lodenbach.